il est suspendu de ses fonctions et rétabli. Il n'en montra que plus d'obstination à soutenir et à défendre, malgré l'opposition de ses collègues, le tribun du peuple, Caecilius Metellus, auteur de lois particulièrement subversives. Un décret du Sénat finit par les suspendre tous deux de leurs fonctions publiques. César eut néanmoins l'audace de rester en possession de sa charge et de rendre encore la justice. Mais quand il apprit qu'on se préparait à employer contre lui la violence et les armes, il congédia ses licteurs, se dépouilla de la prétexte et se retira secrètement chez lui, résolu, eut égard aux circonstances, de se tenir tranquille. Deux jours après, la foule s'assembla d'elle-même et spontanément devant sa maison et lui offrit son appui pour le rétablir dans sa dignité. Le tumulte était au comble. César l'apaisa. Étonnés de cette modération, les sénateurs, que la nouvelle de l'attroupement avait réunis, à la hâte, envoyèrent pour lui rendre grâce les plus illustres d'entre eux. Et il fut rappelé dans le Sénat, où lui furent prodigués les plus pompeux éloges. Enfin, on le réintégra dans sa charge en rapportant le premier décret.